d'écouter. J'ai crié, je t'ai laissé. J'étais seule à assumer. Et mon cœur ne bat plus quand tu n'es pas là. La terre ne tourne plus quand t'es loin de moi. Même en étant déçu, je me battais pour toi. Regarde où on en est, j'ai fait ça pourquoi. Je t'aime et c'est dur. Je veux pas vivre ta vie. Je t'aime, c'est trop dur. Sans toi, je sais plus qui je suis. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Cette nuit, tu pleurais comme un enfant. Je ne sais pas pourquoi t'as envie de partir. Tu te bats contre tes sentiments. Et s'il le faut, tu peux pleurer, sur mes épaules, pour te consoler. Sur moi t'as tout faux, mon cœur est scellé. Tu le sais mais tu fais semblant. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Je veux que tu reviennes quand tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Je veux que tu reviennes mais tu pars. Tu veux que je revienne quand je pars. Je veux que tu reviennes. Tu veux que